Note pour les journées de flore belle ou la nature dévoilée par Donatien Alphonse François Sade, lu par Raphaël. Dernières analyses et dernières observations sur ce grand ouvrage. 1. Tome 1er. Cet ouvrage commence par un programme de frontispice, un avis d'éditeur fort court, et contenant l'éloge de l'auteur et l'aveu formel qu'il est de l'auteur de Justine, une préface de l'auteur aux libertins de tout sexe et de tout âge, un épître dédicatoire à Dieu, une introduction, le nom des interlocuteurs. Premier dialogue contenant 36 pages. Vient ensuite le traité sur la religion, fait par l'abbé de Modoz, commençant à la page 69, fini à la page 130. À 131, reprend le second dialogue. Il mène à 137 et là finit la première journée. La dissertation sur l'âme commence à 139 et mène à 191. Là reprend le troisième dialogue. La dernière journée finit à la 196e page. Vient ensuite le traité sur Dieu qui prend de 198 à 300. Là commence le quatrième dialogue. Il a 3 pages et termine le premier volume et la troisième journée. 2. Second volume. Le lieu de la scène change et se tient dans un bosquet de myrtes et de roses. On commence par un traité de la morale qui prend page 1 jusqu'à la page. Il est divisé en 11 sections et mène à la 175e page. Là, reprend le cinquième dialogue, dans lequel se trouve l'aventure du pauvre bûcheron. On projette là le meurtre de l'ermite et il est, à cet effet, conduit dans les prisons du château. Et là, page 194, finit le cinquième dialogue et la quatrième journée. Ensuite, commence Vénus impudique ou l'art de jouir, qui prend page 197 et conduit à la page. Il est divisé en une introduction et 11 sections. Le second volume finit dans le cours de la 9e section. Là finit aussi la 5e journée. 3. Troisième volume. Il commence par la suite de la 9e section qui soutient le projet de 32 maisons de prostitution dans Paris. Dans la 10e section est le savant traité de l'antiphysique. La seconde partie, des goûts, est composée de 6 sections. Elle commence page 138 et finit à 247. Là commence le 6e dialogue, qui finit avec le 3e volume et la 6e journée. C'est là qu'on expédie l'ermite. Eudoxie est bien vexée, mais bien fraîche encore. 4. Le 4e volume contient les 14e premiers chapitres de l'histoire de Modoz. Il termine la 7e journée. Il n'y a point de dialogue. 5. Le 5e volume contient 11 chapitres de la même histoire et finit par le 25e et la 8e journée. D'ici, le nom d'Adèle est changé en celui d'Amélie. Eudoxie est très molestée. Ses fesses et ses tétons s'en ressentent. Il n'y a point de dialogue. 6. Le 6e volume commence par le 26e chapitre et finit par le 34e, lequel termine l'histoire de Modoz et la 9e journée. Dans le dialogue d'ensuite, qui doit commencer le septième volume, Eudoxie est expédiée. En marge, voyez la suite de l'analyse des volumes, page cornée. Projet 7. Il faut, après le dernier chapitre de cette histoire, qui terminera la neuvième journée, commencer le septième dialogue où sera la mort d'Eudoxie par un supplice rare et terrible. Après ce dialogue, Modose engagera Émilie à raconter l'histoire de sa vie, ce qu'elle fera dans quatre gros volumes, semblables à ceux de l'histoire de Modose. Il n'y aura point de dialogue dans le cours de cette narration, mais quand elle finira, on commencera le huitième dialogue, qui sera pris de la fin du deuxième volume de La philosophie dans le boudoir. Mort de Madame de Mirval. Elle a marqué d'après ce plan. Avec la fin de l'histoire de Modose, finira la neuvième journée. Avec le premier d'Amélie, finira la dixième journée, laquelle a commencé par le supplice d'Eudoxie sans dialogue. Avec le deuxième d'Amélie, finira la onzième journée sans dialogue. En marge, cela est fait, à l'exception des détails de la mort de Madame de Mirval sur lesquels on a jeté un voile. Avec le troisième d'Amélie, finira la douzième journée sans dialogue. Avec le quatrième et dernier d'Amélie, finira la treizième journée sans dialogue. Alors commencera le huitième dialogue, mais on pourra se permettre des interruptions. En marge, on a fini l'histoire d'Adèle tout court. 8. Il faut observer que je destine les 20 cahiers de l'histoire de Valrose à forme l'histoire d'Amélie, et qu'il faut faire raconter à la femme d'Amélie tout ce que je mets dans la bouche de l'homme Valrose. En marge, fait. De manière que la totalité de cet ouvrage sera composée de 8 dialogues, de 13 journées, d'un traité de morale, d'un de religion, d'un sur l'âme, d'un sur Dieu, d'un sur l'art de jouir, du projet de 32 bordels d'hommes et de femmes pour Paris, d'un traité de l'antiphysique et de 2 romans, celui de Modose et celui d'Amélie, de 10 gros cahiers enfin, qui doivent, à l'impression, rendre au moins 20 volumes. En marge, les traités 3, Modose 3, Émilie 4, total 10. 9. Après un léger examen du roman de Valrose, destiné à former les mémoires d'Amélie de Volnange, j'en ai été très content et je l'ai mis au net. J'ai seulement fait l'observation qu'il y avait peut-être un peu de longueur très susceptible d'être retranchée et qu'il ne fallait point placer chez Sénarpon des détails de fait qui peuvent, dans la suite, servir d'aventure. En marge, cela n'a point été évité. Il faut décidément qu'Émilie soit nièce de Sénarpon et séduite par lui. En marge, elle peut être à la fois nièce et fille de Sénarpon qui aura eu commerce avec sa sœur. Il faut en avouer qu'elle est très bien en homme, et vous la promènerez ainsi, tantôt en homme, tantôt en femme, dans toutes les mêmes situations que Valrose. Elle se mariera à Modène avec Monsieur de Volnange, et c'est avec lui qu'elle aura toutes les dernières histoires, celles de Lille, etc. En marge, rien de tout cela n'a été fait, et cela va mieux comme je l'ai traité. Elle le perd en revenant en Europe, et retrouve de même Roxane, avec laquelle elle revient dans le bien de ses pères au château de Florbelle, voisin de celui où elle mit le feu dans son enfance et dans lequel tout ceci se passe. Note pour le travail. 10. Il faut que l'événement de Rose chez le juif soit l'ouvrage de Sophie. 11. Ôtez le nom de Zoé. 12. Donnez quelque inquiétude à Rose quand Modose veut la mener chez le juif parce que c'est là où il la perdra. 13. La femme qu'il tue au château où il va avec son père n'est pas sa mère. 14. Peignez Sophie le trahissant. En marge, c'est fait. 15. Quand vous trouverez l'article où Sophie sauve la vie de son père, en marge, je ne sais si cela est fait. Intercalez-le de suite à la récapitulation de Sophie à la 18e page du 7e cahier. 16. Que le juif ne dise pas à Modose que Radziville a tué des individus de sa famille. Il vaut mieux que Radziville l'apprenne lui-même à Modose comme il le fait après. 17. Sophie dit qu'elle n'a éprouvé aucun mauvais traitement chez Radziville. 18. Établissez bien que c'est Sophie qui a perdu Rose chez le juif. 19. Vérifiez en lisant si vous avez disposé d'Adrienne. 20. Si Sophie est traîtresse, comment a-t-elle pu écrire les lettres qu'on voit à la fin du second volume rouge? En marge, point encore éclairci. 21. Rappelez-vous bien que Madame de Mirval a été renvoyée à Paris avec Oella de Belgorod et qu'elle a fait deux enfants, mais que vous n'avez pas encore certitude du second, puis qu'elle part grosse avec Oella. En marge, essentiel. On en reparle à la fin. 22. N'oubliez pas d'expliquer à la fin ce que c'est que le vieillard et cette jeune fille qui le suivent partout. 23. Ce vieillard intéressant ne doit point s'appeler Delfrant, puisqu'il est père de la mère de Modose et non de son père. 24. N'oubliez pas qu'Émilie trouve Modose à Marseille, et qu'elle doit de même finir ses aventures par cette ville. En marge, c'est fait. Note sur l'histoire d'Émilie. 25. Je commence le net le 5 mars 1806. J'ai mis un an juste à faire 16 cahiers. En marge, deux cahiers sont finis le 26 avril, près de 8 semaines. Le troisième le 31 mai, à peu près un mois par cahier. 8 semaines pour 2, ce doit être encore pour 72 semaines. 18, 18, 18, 18 égale 72, près de 18 mois. Ce doit être fini fin octobre 1807. La mise au net a commencé le 5 mars 1806 et finit le 25 avril 1807, 13 mois et 20 jours. 26. Je serais d'avis de l'appeler Émilie de Valrose. En marge, je l'ai fait. Il faudra conserver cela dans la relecture. Elle est Émilie de Valrose, femme Volnange. 27. L'aumônier se nomme Dutrochet. En marge, point employé. 28. Euphrasie, joli nom à prendre. En marge, prix. Notes essentielles. 29. Retranchez beaucoup de fêtes de Sénarpon. Ces événements-là valent mieux en aventure. En marge, n'a pas été fait. 30. Le premier jeune homme s'appelle Zirphil, le second Rosélie. En marge, accouché avec elle. 31. Un couvent délicieux est indiqué, cahier 4. En marge, voyez-le. 32. Le fils de Sénarpon s'appelle Octave. En marge, il est très molesté il y reste. 33. Le titre de Modose doit être « Le triomphe du crime ou l'histoire véritable de l'abbé de Modose ». 34. Il y a, chez Sénarpon, deux salles, dont l'une contient 12 garçons, l'autre 12 filles. Les premiers ne sont pas pris dans la classe indigente, mais les filles le sont. Dans l'une est un échafaud, dans l'autre une cage. 35. Femme du comte. En marge, leur portrait est au cahier 4, deux pages après la moitié. Catherine, épouse, 18 ans. Louise, sa fille aînée, 17 ans. Jeanne, 15 ans. Et Marie, 13 ans. En marge, elle n'est plus. 36. Alaïr. Joli nom à placer. En marge, il l'est. 37. Reparler d'Octave, laissé dans une des loges de la salle où est la cage de fer. Dans l'autre salle est l'échafaud. 38. Vous avez fait un festin dans la salle à la cage de fer. Faites-en un dans la salle où est la potence. 39. Personnage des orgies. Madame de Saint-Elme, 32 ans, son fils, 14, Monsieur de Valrose, 35 ans, Milly de Valrose, 14 ans, Catherine, épouse, 18 ans, Louise, 17 ans, Jeanne, 13 ans, Alaïr, fille de Charolais, 16 ans, Octave, fils du comte, 15 ans, 11 en tout, dont 4 hommes et 7 femmes. Louis XV a 28 ans, Charolais 38, Soubise 35, Sénarpon 33. En marge, le cardinal très vieux. 40. En marge, faute. Puisqu'elle a 15 ans chez Sénarpon, dites-le donc au premier soir où elle dit son âge et où elle ne se donne que 12 ou 13 ans, et... En général, vérifiez tous les âges dans cette partie. Il n'y en a aucun d'accord ni de juste. Il vaut mieux les négliger tous. 41. En marge, note essentielle. Louis XV naquit en 1710. Donc, en 1739, époque où ceci se passe, il avait 29 ou 28 ans. C'est donc bien comme cela est. Quant à Charolais et Soubise, ils pouvaient bien avoir 10 ans de plus. 42. Un prêtre, en marge, c'est le cardinal Fleury. Deux enfants de cœur, Zirphil et Valrose, vêtus en diable. Victime. Le jeune Saint-Elme, Octave, Monsieur de Saint-Elme, Madame de Valrose, Alaïr, fille de Charolais, Catherine, épouse de Sénarpon, Louise et Jeanne, ses filles. Zirphil les accompagne en esclaves grecs. Agent. Sénarpon, Charolais, Soubise, Louis XV. Il y a aussi deux vieilles servantes et deux bourreaux. Il y a en tout 4 bourreaux. 43. J'ai donné un gros vie à Louis, beaucoup d'apathie, plus d'art à Soubise. Le cardinal de Fleury en est, il ne fout qu'en bouche. En marge, on dîne et après se feront les exécutions. 44. Note, il faut que votre division soit par chapitre. 45. Souvenez-vous que vous n'avez plus à la fête que Charolais, Louis et Sénarpon avec Émilie. 46. C'est Louis qui se verra l'une des trois grâces. 47. Il y a sûrement des fautes graves dans la chronologie des âges, surtout dans celui d'Émilie et dans la concordance du sien avec ceux du roi, de Charolais et de Sénarpon. corriger cela. 48. En marge, note essentielle. Prenez garde que l'aventure du couvent des filles où sont fouettés des pensionnaires est deux fois. Il faudra supprimer celle du voyage. 49. Il a fallu 72 cahiers pour tout l'ouvrage. Ce sera 4 volumes de 17 ou 20 cahiers. En marge, 17, 17, 17, 17, total 68. 50. Le premier quart de l'ouvrage a été fini le 10 juillet 1806. Il contient 17 cahiers. Il a duré 4 mois et 5 jours. 51. Le titre est « Mémoire d'Émilie de Valrose ». En marge, il faut mettre Volnange ou les égarements du libertinage. C'est en montrant la vie à nu que l'on ramène à la vertu. Londres, 1807. 52. Le premier volume a 17 cahiers et se termine par la note ci-jointe. Modose et Émilie furent passer la nuit ensemble, et comme il faisait un temps superbe le lendemain, ce fut au fond du labyrinthe que Madame de Valrose reprit la suite de ses aventures. Ce premier volume contient 3 chapitres. Tout est par chapitre. En marge, cela finit le 17e cahier, la 10e journée et le premier volume de Valrose. 53. Nota bene. Le château s'appelle Florbelle. Il vaudra donc mieux l'appeler Émilie de Florbelle. 54. Le titre principal est « Les entretiens du château de Florbelle ». En marge, puisqu'elle se nomme par son mari Volnange, il vaudrait mieux l'appeler le château de Volnange. Ouvrage moral et philosophique, suivi de la sainte histoire de l'abbé de Modose et des mémoires pieux d'Émilie de Volnange. En marge, il faut mettre en tête Volnange au lieu de Valrose pour éviter le nom en ose. Orné de gravures édifiantes. En Hollande, 1799. 55. En marge, essentiel. Il est bon d'observer et de corriger que tantôt le petit morceau de scène de fond qui lit l'ouvrage se trouve à la fin des volumes, tantôt au commencement. Il faut toujours le faire au commencement. 56. En marge, très essentiel. Essentiel. Observez donc que Queudoxie est expédié au commencement de l'histoire d'Émilie et de mettre en tête du 7e volume ce qui, sur cela, termine le 6e. 57. Le 8e volume, 2e de l'histoire d'Émilie, se lit dans le labyrinthe. Eudoxie n'est plus. En marge, le 8e volume est le 2e de Volnange, le 9e est le 3e de Volnange, et le 10e est le 4e de Volnange. 58. Il faut commencer à présent le 4e chapitre de l'histoire d'Émilie, 15 juillet 1806. En marge, fini le 30. 59. Corrigez l'âge de Roxane. Dites, dès que vous l'employez dans la fin du premier volume d'Émilie, comme maîtresse des enfants qu'on fouette sur ses épaules, qu'elle n'a que 25 ans, vu que vous le dites après. En marge, Roxane a 23 ans. 60. Ne dites pas que Roxane, dans son histoire, conduit les enfants de Deschamps pendant 5 ans chez D'Argenson, car Monsieur d'Argenson meurt au bout d'un an. Dites qu'elle ne les conduit qu'un an. En marge, faute à corriger dans l'histoire de Roxane. 61. En marge, note essentielle. Il est de toute nécessité que vous donniez au moins 16 ans à Valrose quand Sénarpon la rencontre que ses aventures durent 20 ans et qu'elle en ait 36 quand elle finit. 62. Voyez si vous n'avez pas établi deux fois le supplice des jambes écartées sur un flambeau ardent, car il l'est avec son Dieu. 63. Le second volume d'Émilie et huitième de l'ouvrage a été fini de mettre au net le 28 octobre 1806, ce qui a fait 7 mois moins 3 jours pour cette première moitié et 34 cahiers. D'après cela, il est impossible que tout finisse avant les premiers jours de mai 1807. En marge, cela a fini le 25 avril. Le second volume d'Émilie finit à la 11e journée, le troisième à la 12e, et le troisième finit à la 12e journée. 64. Au couvent de Turin, Félix, 12 ans, Florentin, 13, Jules, 15, Maxime, 15 et demi. Hildefonce, Augustin, Anastase, oncle, Théodore, Francisque. 65. En marge, note. Mazeline, joli nom d'homme à prendre. Il faut qu'Augustin soit jeune, car il a sa mère. Les portraits des 4 seigneurs pour terminer le 43e cahier. N'oubliez pas son agrégation à la classe des incendiaires de Parme, en vertu de laquelle elle s'est obligée de faire des prosélytes en Italie et de surveiller les opérations de cette société. 66. Note très essentielle. Dites au commencement que sa naissance est mystérieuse et qu'elle ne peut l'expliquer dans le cours de son histoire, et cela à cause de cette mère et cette sœur que je lui fais retrouver. 67. Le chapitre 10 est au commencement du 48e et du 14e cahier. 68. Il faudra changer partout le nom de Valrose en celui de Volnange. En marge, mais Volnange n'est-il pas le nom pris? 69. C'est à la fin du 3e volume des Mémoires de Modose que l'abbé dit avoir connu Émilie et s'être lié à elle. Il le dit très succinctement ainsi, en finissant les Mémoires d'Émilie. Il faudra la faire arriver à Marseille de même et s'appesantir un peu davantage sur cette liaison, si vous le jugez à propos. Mais si vous voulez revoir l'article de Modose qui en parle, c'est à la dernière phrase du 3e volume rouge que vous le trouverez. Ça se termine par une phrase amoureuse et délicate de la part de l'abbé. 70. Note sur la mère d'Émilie. Émilie dit qu'elle a toujours passé pour la fille d'un partisan enrichi par le système de l'or. Son père putatif, M. de Valrose, poursuivit sa fortune après là et devint riche à plus de 10 millions. Mais ce père-là n'est point le sien. Elle déteste ce père-là dès le commencement de sa naissance. Elle se dit fille unique de ce monsieur de Valrose, à qui elle donne le titre de marquis. Sénarpon lui dit qu'elle est à la fois sa nièce et sa fille, parce que Madame de Valrose, mère d'Émilie, est sa sœur, et qu'il a couché avec cette sœur. L'intrigue de Sénarpon avec cette sœur, fort belle, a été très courte. Sa mère a 35 ans lorsqu'elle va chez Sénarpon et Émilie doit en avoir 15. 71. Sénarpon avait dépucelé sa sœur à 17 ans et il en a eu Émilie. Donc Madame de Valrose ne doit avoir que 32 ans. En marge, 17, 15, total 32. Et non pas 35, comme vous les lui donnez. Corrigez cela. En marge, faute à corriger, mais il ne faut pas rendre non plus Émilie trop jeune quand elle finit. La durée de son histoire aurait été trop courte. Émilie née Sénarpon fut mise sur le compte de Monsieur de Valrose. Émilie s'annonce pour détester sa mère. Elle s'irrite lubriquement contre elle. Elle a regretté de n'avoir qu'une mère. Elle aurait voulu en immoler deux. Il faudra rappeler ce trait-là, puisque vous lui en faites retrouver une seconde. Cette mère d'Émilie avait sauvé la vie à Sénarpont, et ce monstre l'avait prostituée dans tous les bordels de Paris. Quand il la maria à Monsieur de Valrose, c'était dans l'espoir de se rendre maître et tyran de cette maison. Monsieur de Valrose sait bien qu'Émilie est fille de Sénarpont. Émilie a contribué au tourment de sa mère. Elle a bu son sang. Elle a supplicié et fait périr sa mère du tourment chinois qui consiste à enlever les 7 peaux du corps, et elle a dévoré son cœur. Donc il est clair que sa mère ne s'est pas sauvée et qu'elle est morte au château de Sénarpont. Ces détails sont à la fin du 10e cahier des mémoires de Valrose. Voyez, à la fin du cahier, tout ce qui tient à l'éclaircissement de la naissance d'Émilie. 72. C'est toujours à la fin du volume que se place la phrase de liaison. Le second volume de Valrose finit la 11e journée, et c'est toujours jusqu'à la fin du 2e volume, au fond du labyrinthe, qu'Émilie raconte son histoire. Le 3e volume finit la 12e journée et le 10e chapitre. 73. Note essentielle. Observez bien qu'Émilie doit toujours s'appeler Volnange et jamais Valrose. En marge, encore un coup, prenez garde que le nom soit celui qui a été pris. 74. Le 4e volume s'est commencé le 21 janvier. Il commence la 13e journée et le 11e chapitre. 75. Vous l'appelez Valrose, quelquefois c'est Volnange. Corrigez cela. 76. En marge, note essentielle. Ne l'appelez jamais Valrose dans le cours de ses mémoires, toujours Émilie. Il y a à corriger sur cela. 77. Au 59e cahier, je crois qu'il y a une contradiction. Émilie dit qu'elle ne peut ni voir ni parler secrètement à Mathilde quand elles sont toutes deux chez le Juif, et je crois que plus haut, elles se sont parlé à leur aise. Corrigez cela si ça y est. 78. J'observe que le séjour chez Noémie est beaucoup trop long. 79. Je remarque que Mathilde agit à Florence d'une manière peu conséquente au portrait que vous faites d'elle quand elle y arrive. 80. Le nom de Falieri n'est pas également écrit partout. Il faut mettre Falieri. 81. Prenez garde que vous dites qu'Eudoxie est fille d'un riche négociant de Marseille. Soutenez cela. 82. Modoz a, pour interlocuteur dans le dialogue, Eugène et Flavie, l'un de 15 ans, l'autre de 16, qui sont ses bâtards, fils et filles de Madame de Mirval. Augustin, son valet de chambre, est aussi interlocuteur, il a 19 ans. 83. Personnages des dialogues. Émilie, 32 ans, doit avoir davantage. Modoz, son amant, 38 ans. Eugène et Flavie, enfants de Modoz, le premier 15 ans, l'autre 16. Augustine, 19 ans. Eudoxie, fille d'un riche négociant de Marseille, amie d'Émilie, 17 ans. Quelques personnages secondaires. 84. La mère des enfants de Modoz était fort belle. Elle a été envoyée à Paris, grosse, sous la conduite d'Oella de Belgorod. 85. Après 66 pages de dialogue, Modoz lit le morceau intitulé « Religion ». Ce morceau, « Religion », tient depuis 69 jusqu'à 130. Alors les dialogues reprennent jusqu'à 134. Cela termine la première journée. Le commencement de la deuxième est le morceau sur l'âme qui prend de 139 à 192. En marge, tout cela est en note plus haut. Les dialogues reprennent de 192 à 197. Ensuite, Modose reprend le morceau sur Dieu, qui prend de 198 à 300. Cinq pages de dialogue terminent le premier volume. 86, second volume. Le traité de morale commence le deuxième volume et tient jusqu'à la page 174. C'est divisé par sections. Ensuite, prend le cinquième dialogue, dans lequel Eudoxie se montre toujours un peu prude. Dans ce dialogue, elle a rencontre d'un bûcheron. Ce dialogue finit par la détention du saint ermite. Puis commence l'art de jouir, qui prend depuis la page 199 d'abord, jusqu'à la fin du second volume, lequel termine la cinquième journée. 87, troisième volume. Vénus impudique, ou l'art de jouir, reprend au commencement du troisième volume, jusqu'à la page 247. Cette dissertation se termine par les cris de l'ermite. On redouble fort. Ensuite vient le sixième dialogue qui, par 18 ou 20 pages, termine le troisième volume. Dans ce dialogue, Eudoxie est vivement menacée par Modose. Les enfants de Modose s'y montrent très libertins. Eudoxie est fouettée. Là se passe l'interrogatoire de l'ermite. On lui fait éprouver 1000 horreurs. Là, Flavie se montre très cruelle. Son supplice dure 7 heures. Eudoxie vit toujours. Elle a été malmenée, mais elle est toujours bien saine et tenant toujours à ses préjugés. Ce volume finit par la promesse que fait Adèle de raconter ses aventures et son histoire commence le quatrième volume. C'est celle-là dont les 7 premiers cahiers ont été brûlés et la fin prise. Elle est refaite en 72 cahiers. Elle forme 4 gros volumes. 88, septième volume. Au commencement du septième volume est, dans le dialogue qui termine le sixième et qui est au commencement du septième, est, dis-je, la mort d'Eudoxie et les 3 premiers chapitres de l'histoire d'Amélie de Valrose. 89, huitième volume. Le huitième volume contient le quatrième chapitre de l'histoire d'Amélie. 90. Je crois qu'il y a eu 2 supplices d'oublier. Celui du tourniquet, au moyen duquel on peut comprimer à volonté tous les membres et même le corps entier de la victime à volonté et par gradation. Quelqu'un fait agir le tourniquet et 4 libertins se branlent en face. L'autre, celui du vase de porphyre, où la victime veut chier. On l'attend là. Ce vase est dans une grande galerie. Dès qu'elle a fait, on la poursuit à grands coups de fouet de poste. Une trappe s'enfonce, elle tombe dans un brasier ardent où elle se consume. 91. Voilà le discours d'Hélène de Sénarpont à Émilie. C'est à votre nom et au signe que vous portez sur le bras gauche que je vous reconnais pour ma fille. Voici le fait. Sénarpont eut 2 sœurs, Hélène de Sénarpont et Thérèse de Sénarpont. Je suis la première, Thérèse la seconde, et c'est Thérèse que Sénarpont maria à Monsieur de Valrose. Sénarpont coucha avec ses 2 sœurs et eut une fille de chacune. L'une fut nommée Émilie, c'est vous. L'autre Félicité, c'est celle qui m'accompagne, mais Félicité doit le jour à Thérèse et vous à moi. Je vais encore éclaircir la cause de cette supposition de ma part. Sénarpon voulait faire de ses deux filles ce qu'il avait fait de ses deux sœurs, mais son intention était de sacrifier de très bonne heure à cette destructive passion la moins jolie des deux enfants, et de laisser arriver l'autre à l'âge de beauté. Vous étiez celle qu'avait le mieux favorisé la nature, celle qui promettait davantage. En conséquence, il fit enlever clandestinement Félicité au berceau et vous mit à sa place, afin qu'élevée par sa sœur Thérèse de Valrose, vous fussiez en quelque façon garantie de ses fureurs, au moins, comme je vous le disais tout à l'heure, jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans, ce qu'il se sentait peu capable de faire si vous fussiez resté avec moi, qu'il gardait près de lui. Dès que Félicité eut atteint l'âge de 7 ans, et j'avais bien, mais sans oser le dire, reconnu qu'elle n'était pas ma fille, puisqu'elle n'avait pas au bras le signe qui caractérisait la mienne. Dès que, dis-je, elle eut atteint l'âge de 7 ans, Sénarpon me déclara ses infâmes projets. C'est ce qui nous fit sauver toutes deux. Vous savez le reste de nos aventures. Je voulais seulement prouver, comme je viens de le faire, que vous êtes ma fille et non celle de Thérèse, et que vous êtes sœur de Félicité, puisqu'elle est, comme vous, fille du marquis de Sénarpon, ce qui, par les crimes de cet homme affreux, vous rend à la fois sœur et cousine germaine. En marge, Hélène, Thérèse, Félicité, Émilie. 92. Souvenir. En finissant la narration de Roxane à Zolbar, il faut bien motiver les raisons qui faisaient que le capitaine du navire assurait qu'elle valait plus de 100 000 écus pour lui. Il faut rompre aussi toutes ses connaissances à cette époque, afin que la note de l'éditeur se trouve juste, qu'elle ne retrouve ni ne puisse retrouver personne pour ôter l'envie de continuer cette histoire. 93. Le flambeau sous le con est mis 2 ou 3 fois. Il faut le retrancher et ne le laisser qu'au château de Colly. 94. Il faut aussi retrancher chez Sénarpon les profanations d'hostie pour ne les laisser que quand il court les aventures. 95. Il n'y aurait pas de mal non plus de retrancher tout ce qui tient au couvent et aux pensionnaires dans les fêtes de Sénarpon pour rejeter tout cela dans les aventures. En général, les fêtes de Sénarpon sont trop brillantes pour un commencement. 96. Ne faites pas commencer Valrose si jeune, ou filez mieux le temps, car au 8e livre, à peine a-t-il 20 ans si vous le faites venir à Florbel à 36 ans. Filez le temps davantage à Modène. Quand Roxane commence son récit à Zolbar, qu'elle dise bien que c'est Joseph qui les avait trahis, qu'elle dise qu'elle en a persuadé sans Dieu, car sans cela, cette trahison retomberait sur Valrose. Je crois que vous le faites rester 3 ans à Modène. Vous pourriez l'y faire rester plus longtemps. Il y arriva à 25 ans. 97. Suivez bien exactement tous les souvenirs des feuilles grises. 98. Je crois que c'est à l'histoire de la femme que j'en suis resté, dans le château de Charmeil. C'est cette histoire qui formera celle de Roxane en élaguant et en rajustant. En marge, c'est celle-ci entière qui forme l'histoire de Madame de Valrose. 99. Souvenez-vous d'appuyer davantage sur le corps mort qu'on enterrait aux Dominicains, le jour où Valrose fut faire une partie dans le souterrain, car dans l'histoire d'Adrienne, il est question du meurtre de ce moine. Dites bien à cette partie que ce moine venait d'être assassiné. C'est le même qui produisit une catastrophe à Turin dans les aventures d'Adrienne, mais souvenez-vous que ce ne soit pas les Dominicains. Changez cela. Vous auriez dû faire un discours sur ce qu'on ne doit jamais résister aux penchants qu'on a reçus de la nature, raison des contradictions qu'on perçoit entre le cœur et l'esprit. N'oubliez pas que le cardinal de Fleury perdit la marine en France. Ce fut lui qui remplaça Monsieur le Duc au ministère, lequel, étant père des Condés actuels, devait être frère de Charolais. Il ne doit pas aimer le cardinal, et Sénarpon doit tenir le milieu entre les deux. Le cardinal mourut à sa campagne à Issy. 100. Valrose a 28 ans, en marge, je lui ai donné 30 ans. En arrivant à Florence, et Mathilde 22. 101. Vous avez fait Roxane trop vieille au commencement. Il faut qu'elle soit absolument de l'âge de Valrose. Mathilde doit avoir 6 ans de moins que lui, et Roxane le ménage, essentiel. Roxane, arrêtée avec Sandieu, se sauve et le fait passer pour son mari. Ils se séparent. Elle devient maîtresse du cardinal, c'est de là où elle reprend son histoire. 102. Personnages divers. Dom. Octave. Théodore, Anastase, Félix, Léon, Jules, Maxime, Brise-tout, Cœur de riche, Valrose, Monsieur de Valrose, Dorville, ami de Valrose, le marquis de Sénarpon, le cardinal de Fleury, le comte de Charolais sous le nom de Jacquot, Dupont, aumônier, Soubise, Louis XV, Sandieu, Joseph, Sicardi, François, Gonsalvi, Clément, son fils, contrebandier, le père Ambroise, capucin, Ligny, amant d'Adrienne, Noémie, juif, Falconi, secrétaire du duc de Toscane, Frédéric, deuxième duc de Toscane, Filieri, Forli, Crèvecœur, l'île de Zorlan, Auguste, Guillaume, Jacques, Robert. De femmes. Madame de Valrose, Adrienne de Valrose, Madame de Dorville, Gertrude, Adélaïde, Suzanne, Laurentia, Virginie, Rosa, Catherine, femme de Sénarpon, Louis, Jeanne, Marie, fille de Sénarpon, Zoloé, Angélique, la marquise de Roseville, Claire, Sophie, ses filles, Clotilde, femme de chambre, Eudoxie, Neuville, Clémentine, Aglaé, Cécile, Rosine, Adélaïde de Forlis, Victorine du Ponceau, la mère Sainte-Thérèse, Émilie Dufaille, Madame de Nozelle, Angélique de Dorville, Olympe, Marguerite, femme de chambre et fille de Madame de Moselle, Charlotte, Blaisine, Ursule, Iselot, Adélaïde et Gertrude de Nanteuil, Roxane, Isabelle Gonzalvi, Madame Léonard, Donna Elena, Mathilde, fortunée de Modène, Eugénie, Ruth, Moabi, Judith, Rebecca, sœur de Noémie, Mère Aldegonde, Mère Félicité, Mère Sainte-Thècle, Mère Saint-Or, Suzanne, Laurentie, épouse de Forli, Virginie, Rosa, Brigide, Zinga, reine d'Angola, Zolba, sa confidente, Zoé, Éloïe, Isménie, Énoïe, Zoldori, Boléma, Zordis, Ambroisine, fille de Valrose. 103. Valrose a tué son père, sa mère, sa sœur, sa maîtresse, le père de sa maîtresse, la sœur de sa maîtresse, sa femme, son beau-père, sa fille et beaucoup de victimes. Mais il a toujours été fidèle à l'amitié et n'a jamais rien entrepris contre ses deux amis, Roxane et Mathilde, non plus que contre François. 104. Fête donnée à Sénarpon. Le temple de Vénus Callipyge, la caverne des voleurs où l'on dit la messe, Bethléem où il trouve Jésus, sa mère et Élisabeth, le mystère de la bonne déesse, voleurs, meurtres et vols de grand chemin, vol et assassinat commis sur l'un par Jaco, temple de Vénus Burbat ou Sodomite, couvent de jeunes pensionnaires où il fouette, rencontre de la charrette du bourreau conduisant des femmes au supplice. Ils en exécutent publiquement 7, dont une grosse. Il fouette de petits garçons dans une pension. Ferme où ils foutent des animaux, ils égorgent des enfants au berceau tenu par leur mère. Ferme où des étalons, des chevaux et des bœufs enconnent des femmes. 4 putains passés par les verges, elles sont grosses et nues. Ils s'amusent avec les soldats qui les exécutent. Temple de Vénus Anosia ou Vénus Cruelle. Là, pendant 3 jours, se font 9 sacrifices. C'est là où Roxane raconte ses aventures. Ils rencontrent un marchand d'esclaves. Ils en précipitent 4 sur les rochers. Temple de Bacchus, où l'on fait des sacrifices humains. Un combat de taureaux par des femmes et différents feux d'artifice où des enfants sont enlevés par des bombes et des fusées. Force délicieuse. Joséphine ou l'épouse malheureuse, comédie. Parc rempli d'enfants sur lesquels ils se jettent. Femmes qui servent de but, on tire des flèches sur elles. Chasse aux femmes. 105. Peut-être faudrait-il, pour bien goûter celle que je dois vous faire, mademoiselle, me dit le saint homme, que je vous crusse très intimement persuadé des grandes vérités de notre sainte religion. Mais malheureusement, je suis prévenu de vos affreux principes, et je dois craindre d'échouer dans mon entreprise. J'oserais pourtant vous dire, mademoiselle, qu'il faut un terrible aveuglement pour se refuser aux grandes et sublimes vérités de la religion chrétienne. Comment ne pas voir qu'il ne peut être que l'ouvrage de Dieu? Et si l'on admet ce Dieu saint et sublime, comment ne pas le croire singulièrement irrité des crimes que les hommes se permettent ici-bas? Si Dieu est le modèle de la vertu, comment ne haïrait-il pas le vice? S'il le hait, comment ne le punirait-il pas? Qu'admirons-nous dans les ouvrages de l'Éternel? N'est-il pas l'ordre profond qui maintient et qui règne tout ce qu'il a créé? Et n'est-ce pas à cet ordre sublime que nous reconnaissons l'image d'un Dieu? Or, s'il aime l'ordre, s'il le fait régner, celui qui trouble cet ordre...